Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikallazi khalaq. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min 'alaq. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra' wa rabbukal akram. Lis, ton Seigneur est le très noble. Alladhi 'allama bil qalam. Qui a enseigné par la plume le kalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Kalla innal insana layatgha. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Ar-ra'ahu istaghna. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit? À un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie? Ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Le toupet d'un menteur, d'un pêcheur. Qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi.